Bienvenue à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM, ou évidemment encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 30 novembre 2016 de Mélomanes. Merci à tout le monde d'être là, surtout après la semaine passée où on a failli briser CFNJ avec notre très corsé, j'avoue, mea maxima culpa, mais que voulez-vous? C'est aussi ça, un radio pirate. On se promène beaucoup à Mélomanes, vous le savez. Pourtant, les deux semaines précédentes, on était dans de la musique plutôt acoustique, plus douce. Et ça va être très différent encore ce soir pour ce qui va s'avérer être la dernière émission de l'année pour Mélomanes. Et oui, Mélomanes a besoin de se consacrer à ses études dans cette fin de session. Mais écoutez, on va faire ça en beauté avec un beau mélomane varié, format classique, qui va passer par toutes sortes d'incarnations, toujours avec des classiques en leur genre, bien sûr. À commencer par un événement important encore au courant de la semaine dernière. Vous vous doutez qu'on parle évidemment de la mort du leader Maximo, parce que quand Fidel meurt, les Cubains dansent. 99.1, CFNJ. Maintenant qu'à Cuba, j'ai un grand frère que je ne connaissais pas. Dans l'autobus en forme de cigare, fumait en roulant vers la Havane. J'ai vu souvent sur des panneaux bizarres la mitraillette au-dessus des cabanes. Mon ami fidèle, pour amener le peuple au ciel, sur les ondes d'une radio rebelle, il faut une samba éternelle. Qui unit la gauche et la droite, Golda Meir embrasse Arafat. Dansons, dansons dans nos forêts d'asphalte, parce qu'un président, ça date. Mais un révolutionnaire, c'est fidèle. Demain, les arbres n'auront plus de place. Refleurissons notre boule de crasse. Avant que tous les continents soient chauves et qu'on assassine le dernier fauve, il faut que tous les points se soulèvent. C'est la planète de tous ensemble ou crève. Des frères comme toi, ça nous en prendra mille si nous voulons danser sur l'an 2000. Mon ami fidèle, pour amener le peuple au ciel, sur les ondes d'une radio rebelle, il faut une samba éternelle. Qui unit la gauche et la droite, Golda Meir embrasse Arafat. Dansons, dansons dans nos forêts d'asphalte, parce qu'un président, ça date. Mais un révolutionnaire, c'est fidèle. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena embornar cualquiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, se abraza con todo fervor revolucionario. Sí. CFNJ. Bésame, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame. Tenerte y perderte después. De casa conmigo. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la tenerte y perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, sentirme muy cerca y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Tenerte y perderte. Bésame, bésame, bésame mucho. We'll be right back. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et évidemment, un petit clin d'œil à nos amis les Cubains qui ont vécu un gros bouleversement la semaine dernière, en fait. Il y en a qui sont contents, d'autres qui sont moins. La question n'est pas là. Nous, ça nous a plutôt donné un prétexte, évidemment, d'y aller de ce qui nous intéresse, soit la riche culture musicale cubaine, entre autres, que les jazzmen vont être largement responsables de nous avoir fait connaître à nous, les Nord-Américains. Et en fait, celui qui va être au centre de tout ça, qui va ni plus ni moins être un pionnier, eh bien, c'est aussi celui qui était au front de la révolution bebop des années 40 avec Charlie Parker. On parle ici du grand trompettiste virtuose, arrangeur, compositeur Dizzy Gillespie, qu'on a entendu ici avec Chano Pozzo, un percussionniste cubain légendaire décédé à 33 ans, avec Tintin Deo de 1952, un des tout premiers exemples de ce qu'on va appeler le jazz afro-cubain, chose qui était précédée d'une autre légende cubaine décédée, encore une fois, au très jeune âge de 26 ans, une créature corporante, comme on dit, d'au-dessus de 300 livres, qu'on surnommait King Kong, mais qui, surtout, avait une voix incomparable, qui avait l'habitude aussi de chanter a cappella dans les clubs de La Havane et qui a eu le temps d'enregistrer seulement un album avant sa mort en 1961, duquel on a entendu certainement une des plus grandes versions du standard Bésame Mucho avec des arrangements extraordinaires. Vous irez voir ça, l'album est bon au complet. Une chanteuse qu'on appelait tout simplement Freddy, F-R-E-D-D-Y, pour ajouter peut-être au petit côté androgyne de sa voix. On a aussi entendu des gens de l'île quasi voisine dans la mer des Caraïbes, de Scatellites de la Jamaïque, qui eux sont les pionniers du ska, comme le nom le dit, avec tout simplement la pièce Fidel Castro de 1964, qui était précédée en 1976 de Robert Charlebois, avec mon ami Fidèle, album longue distance, gros classique. Et tout ça amorcé par nul autre que le roi du mambo en personne, du grand Pérez Prado, avec son Mambo No. 5 de 1950. Et oui, c'est ce qui va inspirer directement le One Hit Wonder Lou Bega à écrire son fameux succès du même nom en 1999. En fait, c'est basé sur la même musique. Et nous, on poursuit encore encore de légères inclinations latines pour tranquillement migrer vers complètement autre chose. On écoute les Kinks, 99.1 CFNJ. Under a lamplight, Monica stands a bit high, and every guy thinking about love. But Monica Bass, sweet loving for Monica. Morning to moonshine, Monica knows every line. Don't ever propose, cause Monica knows she knows. She'll turn up her nose and say what a fool you are. I should die, I should die. I should lose Monica. People can try, people can try, but they can buy Monica, my love. You take the sunshine, I'll take the night we shadow. Cause everyone knows that Monica glows at night. She'll do something wrong and prove to you she is right. I should die, I should die if I should lose Monica. People can try, people can try, but they can buy Monica, my love. Money to moonshine, Monica knows every line. You'll never propose, cause Monica knows you know. She'll turn up her nose and say what a fool you are. Monica. Monica.

Let's get acquainted and lose those blues. Let's go. Time's a-wasting. I've got feet. And I've got feet. Let's start to walk where the lovers meet. Let's go. Time's a wasting. You've got me feeling love like I never have felt it. You're full of sugar and I think I'm the booger to melt it. Now I've got schemes and you've got schemes. Let's get together and dream some dreams. Let's go. Time's a wasting. Et donc, tel que promis, complètement autre chose en cette édition de Mélomanes, toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, assez loin de la musique d'influence cubaine, effectivement, parce qu'on revient d'un petit détour country avec June Carter, qui va devenir plus tard June Carter Cash après son mariage avec Johnny, et qui a fait carrière en musique depuis sa tendre enfance, d'ailleurs. Mais là, c'est avec son premier mari, Carl Smith, qu'on l'a entendu ici, et leur composition « Time's a-Wastin » de 1954. Et juste avant ça, toujours de provenance country, mais un peu plus pop, un gros, gros classique pour Dolly Parton en 1973, et Jolene, qui suivait ceux qui vont 10 ans plus tard lui écrire son fameux duo « Islands in the Stream », qui d'autre que les Bee Gees, avec une de leurs nombreuses petites perles que pas assez de gens connaissent, soit « Lonely Days » de 1970, parce qu'on le répétera jamais assez, les Bee Gees ont eu une autre vie, sinon 2 ou 3 avant le disco. Vous seriez surpris, vous les aimez peut-être sans le savoir, ça vaut vraiment la peine de creuser de ce côté-là. Petite suggestion en passant, pardon. Et une première partie de bloc avec encore des petits relents latins de notre premier bloc, mais un peu moins prononcé quand même avec la javanaise composée par Gainsbourg, mais dans sa version originalement écrite pour Juliette Gréco, qu'on a entendue en 63 et qui suivait les Kinks, membres cruellement sous-estimés de l'invasion britannique, avec Monica, d'un album qu'il faut se procurer, soit The Kinks Are the Village Green Preservation Society de 68, un de leurs plus grands albums, mais d'après moi, le long titre fait peur à bien des gens. Et nous, eh bien, c'est pas en 68, mais en 67 qu'on va entamer notre prochain bloc, avec la seule et unique Marie Laforêt, 99.1 CFNJ. Lorsque nous étions encore enfants, sur le chemin de Bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier. Et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Ça compliquait bien un peu la vie, 3 garçons pour 4 filles, on était tous amoureux, toi de moi et moi de lui, l'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main, on a quitté les copains. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi. Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi. The wagon of a traveling show. my mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Their money down. Picked up a boy just south of Mobile. Gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis. And Papa would have shot him if he knew what he'd done. Lay their money down. I never had schooling, but it taught me well with its smooth southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. Oh, I haven't seen him for a while. Oh. She was born in the wagon of a traveling show. My mama had to dance for the money they throw. Grandpa threw whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. GMC's tramps and thieves, we hear it from the people of the town. They call us GMC's tramps and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Tu es vain, tu es vieux, tu es...

Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, j'attends, je chavirai comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles. J'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. À Méloman, 99.1 et 88.9 CFNJ, où on vient d'avoir droit à tout un chapelet classique de la chanson française. Premièrement, un duo mythique, du moins l'espace d'un film, le film Franz de 1971, pour être plus précis, parce que c'est au cinéma, même pas en musique, qu'ils vont former un duo, finalement, avec la grande Barbara, de qui on vient d'entendre « Dis, quand reviendras-tu » de 64, certainement une de ses plus connues, qui suivait, comme on disait, son acolyte M. Brel en personne avec Marik en 1961, chanson qui est à moitié en français, moitié en flamand, parce qu'on n'oublie pas que Jacques Brel est belge, même si, ironiquement, c'est une des figures les plus importantes de la chanson française. Il faut écouter du Jacques Brel dans sa vie, si c'est pas déjà fait, que vous le connaissez seulement de nom. Il faut aller voir de ce côté-là. Et juste avant ça, Françoise Hardy, encore en 64, avec mon ami La Rose et ses petites influences boléro espagnol. En fait, pas juste des petites influences, c'est carrément un boléro espagnol. Et dites-vous que c'est une forme qui va voyager beaucoup, parce que Bésame Mucho, qu'on a entendu tantôt, de la cubaine Freddy, eh bien, c'est un boléro. Donc, ça s'est rendu, évidemment, jusqu'en Amérique du Sud, tout ça, et même jusqu'en Amérique du Nord, parce que Bésame Mucho, c'est une chanson mexicaine, et contrairement à ce qu'on a tendance à penser, du moins, il y a eu beaucoup de gens qui s'imaginent que le Mexique, c'est en Amérique du Sud, mais non, c'est en Amérique du Nord. Bref, un peu de géographie en passant, mais si on revient à nos moutons, toujours en musique française, le thème du film Slogan de 1969 avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg, qu'on a entendu la semaine passée aussi dans notre radio pirate, avec tout simplement la chanson de Slogan, avec ses somptueux arrangements, comme c'est souvent le cas pour la musique de Gainsbourg à cette époque-là. Chose qui était précédée de notre seule chanson anglophone du bloc, soit Gypsies, Tramps and Thieves de Cher, juste après Sonny and Cher, au tout début de sa carrière solo en 71, une chanson qui suivait à merveille Yvan, Boris et moi de Marie Laforêt, une habituée de l'émission. Et là, voyez-vous, on a séparé un couple tantôt. On a entendu June Carter, qui va devenir plus tard June Carter Cash. Donc, on écoute Vous savez qui au 99 CFNJ. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Avant-hier, hélas, je ne vous ai pas vu. Vous n'étiez pas si belle, vous n'étiez pas venue. Je n'étais pas si belle, je n'étais pas venue. Je n'étais pas si belle, je n'étais pas venue. Vous n'étiez pas sortie de chez vous à 5 heures. Je n'étais pas sortie de chez moi à 5 heures. Et vous ne lisiez pas le Tamerlan des cœurs. Angela, Angela mon amour, Angela, Angela mon amour, Angela, Angela mon amour, Angela, Angela mon amour. Je ne vous ai pas dit j'aimais la musique. Il ne m'a pas dit qu'il aimait la musique. Nous n'avons pas parlé de voyage au Mexique. Nous n'avons pas parlé de voyage au Mexique. Nous n'avons pas parlé de voyage au Mexique. Nous n'avons pas marché sur la rue Sherbrooke West. Sur la rue Sherbrooke West. Et nous n'avons pas vu un café en vitesse. Angela, Angela, mon amour, Angela, Angela, mon amour, Angela, Angela, mon amour, Angela, Angela, mon amour. Vous n'avez pas refusé de ne pas venir chez moi. Pas attendu que vous n'arriviez pas. Il n'a pas attendu que je n'arrive pas. Il n'a pas attendu que je n'arrive pas. Et je me suis couché en rêvant à ce jour. Et il s'est couché en rêvant à ce jour. Où vous existerez, Angela, mon amour. Angela, Angela, mon amour, Angela, Angela, mon amour, Angela, Angela, mon amour, Angela, Angela, mon amour. Thank you. Au cours des prochaines heures, sur l'ensemble du territoire de Lanaudière, à commencer par les secteurs centre et sud autour de Joliette, de la pluie 40 mm avec des températures près de plus 3. Donc, il y a avertissement de pluie en vigueur. Pour jeudi, pluie ou brune intermittente avec un maximum de plus 4 degrés. La journée de vendredi, nuageux, 40% de risque d'averse, maximum de plus 5. Samedi, du soleil, plus 3. Dimanche, même scénario, un maximum de moins 2. Et à plus long terme, lundi, on prévoit du soleil avec un maximum de moins 3. Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, au cours des prochaines heures, cette pluie pourrait se changer en neige et on accumulera autour de 5 cm des températures près de plus 1. La journée de jeudi, cette neige va se changer en brune intermittente en après-midi avec un maximum de plus 4. Vendredi, nuageux, 70% de possibilité de neige ou de pluie avec plus 1. Samedi et dimanche, un beau week-end. Samedi, tout d'abord, ciel dégagé avec 0 comme maximum et dimanche, du soleil, moins 4. Lundi, également ensoleillé, maximum de moins 4. CFNJ Et c'est M. Harrison qu'on vient d'entendre, toujours évidemment mélomane sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. George Harrison, qui est décédé le 29 novembre en 2001 et qui en plus avait sorti le magnifique album All Things Must Pass un 27 novembre 1970. Donc vraiment tout dans les dates qui nous entourent en ce moment. Le premier des Beatles à sortir un album d'ailleurs, et on ne pouvait plus d'attendre un peu Lennon et McCartney pour sortir ses chansons. Donc il a fait un album triple, duquel on a entendu Isn't It a Pity, qui a aussi été la face B du fameux 45 tours de My Sweet Lord. Et imaginez-vous qu'on a aussi entendu du Frank Zappa avec une petite composition hyper complexe à la Zappa, justement Little Umbrellas de l'album Hot Rats de 69, mais qui a aussi été la face B du 45 tours de Peaches and Ragalia en 1970. Donc on est vraiment dans les B-sides, comme on dit dans ce bloc-là, parce qu'on pourrait quand même considérer celle qu'on a entendue juste avant comme un petit bijou plus rare aussi, une chanson de Luc Élise Cousineau ou Les Alexandrins, c'est selon. Il y a eu des disques avec les deux appellations pour l'excellente Angela Mon Amour de 1969. Luc Cousineau, qu'il faut vraiment découvrir plus loin que ses gros hits. On connaît Vivre en amour, évidemment, mais plein de trucs super intéressants dans les années 70, comme son album éponyme de 76, entre autres, un super funk psychédélique. Bref, c'est surprenant, allez voir ça. Et tout ça amorcé par L'Homme en noir, The Man in Black, de Johnny Cash en 1971. Et là, un autre genre de petit bloc, complètement autre chose comme ambiance. On y va pour une chanson qui a même été reprise plus tard par Miles Davis, 99.1 CFNJ. Anchored for the day. dear, had golden hair like yours, lady, like yours, streaming out when we'd ride through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly, I sing in silent harmony. We shall be free. Thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Thank you.

on the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. Park, I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as it sounds on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. Et toujours à Méloman, 99.1 et 88.9 CFNJ, bien loin de notre radio pirate de la semaine passée, surtout pour ce bloc-là hein, qui vient de se terminer sur Sunday Morning Coming Down, une composition de 1970. Très belle composition pour Kris Kristofferson, chanteur, acteur, auteur-compositeur. Chanson de lendemain de veille par excellence que Johnny Cash va d'ailleurs reprendre un peu plus tard et qui était précédée ici d'une magnifique chanson d'un magnifique album qui, ni plus ni moins, va devenir l'album d'une génération de Français, soit mon frère de l'album du même nom de Maxime Le Forestier en 1972. Un autre album à découvrir qui était un petit peu moins connu au Québec ici, en fait, surtout à l'origine. Et sinon, un autre truc un peu moins connu, le côté caché du groupe Chicago avec ses merveilleux arrangements de cuivre. Un groupe qui était le préféré de Jimi Hendrix à l'époque, gros fan du guitariste Terry Catt qui lui trouvait meilleur que lui, en fait. Jimi Hendrix, plutôt, trouvait Terry Catt meilleur que lui. Donc, c'est pas peu dire. Ça vaut la peine d'investiguer de ce côté-là. On n'est pas déçu quand on entend des pièces comme Poem for the People qu'on a entendu juste avant de leur deuxième album, toujours de 1970. Et tout ça précédé de deux magnifiques pièces acoustiques, soit So Long Frank Lloyd Wright de Simon & Garfunkel, un hommage à un célèbre architecte que Paul Simon connaissait même pas quand il a composé la chanson à la demande d'Art Garfunkel, une chanson de leur tout dernier album Bridge Over Troubled Water de 1970, qui suivait Guinevere de Crosby, Stills & Nash en 69, une pièce que Miles Davis a reprise un an plus tard, et semblerait que David Crosby, le compositeur de la pièce, avait pas trop été impressionné par sa version, chose qui avait d'ailleurs fâché Miles. Et nous, eh bien, on y retourne pour un dernier bloc un peu plus rythmé. Hey! avec Cool and the Gang, 99.1 CFNJ. We'll be right back. dû tenir le rythme. Tiens les bêtes, en frappant dans tes mains pour sûr. Dracula qui a cette vie-là. Y'a pas que les musiciens qui veillent. Y'a deux, trois écrivains dans un coin, un comédien. On ne voit plus très bien les étoiles du vaisseau au-dessus du vent. On n'imagine plus la terre comme un petit grain de sable dans l'univers. Je nous vois tous des artistes quand on est hop, quand on se fait de la musique et que ça fait pop. Veux-tu tenir le rythme, tiens et bien, en frappant dans tes mains pour sur le voisin. Elle dessine sur ses yeux un rêve. C'est déjà une femme troublante quand elle danse. Toute la musique s'éveille. Dans la nuit sculptée d'anges, le verbe n'est plus qu'un geste. Et de plus en plus terre à terre. Je m'enterre tranquillement, ne croyant plus aux anges, voyant la beauté dans les angles des créatures qui me ressemblent. Oh. Je vois tous des artistes quand on est hop, quand on se fait de la musique et que ça fait pop. Veux-tu tenir le rythme, tiens les bien, en frappant dans tes mains pour suivre. Tiens, sors. Paloléo, wapéla. Paloléo, lalala, falala. Toute la musique s'éveille. Paloléo, lalala. Donc, un tout petit bloc qui conclut notre émission de ce soir avec, évidemment, Claude Dubois, avec Artiste. Mais ce qu'on oublie plus souvent, par contre, c'est que Dubois va être le premier francophone au monde à enregistrer un album complet de reggae. Un excellent album du nom de Mellow Reggae, sorti en 1977, mais qui est malheureusement pas réédité depuis. Il faut le trouver en vinyle. Et sinon, des classiques disco, pourquoi pas, More, More, More, que tout le monde connaît, hit de 1976 pour Andrea True Connection. Et s'il y en a parmi vous qui se rappellent de Steal My Sunshine du groupe Len dans les années 90, eh bien, vous avez sûrement reconnu le bout qu'ils ont échantillonné. C'est assez évident, l'espèce de petit bridge du milieu de la chanson au piano. Et tout ça amorcé la même année par Kool & The Gang avec Open Sesame, Groove with the Genie. Sur l'album du même nom, mais aussi sur une des trames sonores les plus vendues de tous les temps, Saturday Night Fever. Et donc, c'est ce qui met fin non seulement à notre émission de ce soir, mais à cette saison-ci de Mélomane, parce que, comme je vous avais dit en début d'émission, nous, on va se reparler juste l'année prochaine, en janvier, parce que Mélomane prend relâche pour le mois de décembre pour cause d'études. Donc, écoutez, gros, gros merci, sérieusement, d'avoir été au rendez-vous toute l'année. Ça n'existe pas sans vous et il va sans dire que je vous souhaite par le fait même de merveilleuses fêtes parce qu'on ne se reparlera pas d'ici là. Tous mes vœux de bonheur. Parce que oui, vous le savez, ce qui s'en vient, vous connaissez ce qui s'en vient et tout le monde sait que les fêtes, on passe ça sur les ondes du 99.1 CFNJ. Bye.